Comme tu veux, on n'a pas de blaze. Golo, Dakis, Asen, Morsen, mâchoire, moustache, le bas, lato, moto, rabir, un bouc, yeux, fraîche, Dime, Dakan, Kumo, Harem, Astuce, Zoki, MZ, à mes cousins, on va le fourrer. À Olney, Fiston. Ok, les frères H. Chantou Family, Massisco, Jara Family, Baram Sawali. De trappe jusqu'au muro. Demande pas son âge à un petit qui porte le flingue. Demande pas son âge à un petit qui porte le flingue. Demande pas son âge à un petit qui porte le flingue. Demande pas.